Salut à toi, il est 7h et je te souhaite la bienvenue dans ton morning Bisoy. On est mercredi 29 avril, le fameux point d'équilibre dans la semaine. Peut-être que tu es déjà bien lancé, peut-être que tu sens un petit coup de mou arriver. Et justement, ce morning est là pour ça, remettre du rythme, remettre un peu de lumière avec du bon son et de la bonne humeur. Et surtout, te rappeler que tu es déjà à mi-parcours. Non pas qu'il te reste encore quelques jours avant la fin de la semaine, non, que tu es déjà à mi-parcours. Que tu sois en train de conduire, de marcher, de préparer ton café, de te réveiller doucement ou que tu sois déjà simplement au taf, hein, c'est possible. Prends ce moment pour toi, on va faire ça bien, toutes et tous ensemble. Et on démarre avec un groove ultra efficace entre modernité et inspiration rétro, Can't Feel My Face de The Weeknd. C'est tout de suite sur Bisoy. Bon réveil. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't feel my face when I'm with you. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Et voilà The Weeknd. Ce morceau est très intéressant parce qu'il joue sur une contradiction, un son très dansant, presque joyeux, avec des paroles beaucoup plus sombres. Si tu parles anglais, tu as certainement compris les paroles, ou si tu es juste curieux, tu peux aller voir la traduction des paroles sur internet. Et c'est vrai que les paroles, ne sont pas forcément très très joyeuses. Et c'est exactement ça qui le rend accrocheur, hein. Ton cerveau danse pendant que ton esprit analyse. Et tu vois, c'est souvent comme ça dans la vie. On avance, parfois en surface, parfois plus en profondeur, mais l'essentiel, c'est de continuer d'avancer. Et pour la petite minute curiosité du jour, aujourd'hui, je te propose une petite réflexion simple. Pourquoi le mercredi est souvent le jour où on se sent le plus efficace? Parce que ton cerveau est dans une zone idéale. Tu n'es plus en phase de lancement comme lundi, mais tu n'es pas encore en phase de relâchement comme vendredi. C'est un moment où tu peux vraiment construire, avancer, structurer et passer du temps avec ta famille, hein, puisque le mercredi, on le sait, hein, c'est le jour des enfants. Donc si tu as un truc important à faire cette semaine, c'est aujourd'hui, mercredi, que ça se joue. Et on continue avec un titre français qui a fait danser toute l'Europe à l'époque de sa sortie, This Girl de Kungs. Alors le titre est en effet anglais, mais Kungs est un DJ français. Et je te passe ce morceau tout de suite sur Bisoy. Ce morceau, This Girl, cette fille en français, de Kungs, est basé sur un sample d'un vieux titre jazz, et c'est ça qui est fascinant, prendre quelque chose d'ancien, le transformer et en faire un tube mondial. Comme quoi, parfois, innover, c'est aussi savoir bien recycler, et c'est le cas de This Girl de Kungs, hein, donc je t'ai dit que ça veut dire cette fille, mais cette C-E-T-E, hein, et non pas cette S-E-P-T. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est vraiment C-E-T-E, le pronom démonstratif, cette girl, donc cette fille. Oui, cette girl, oui, j'ai fait un mélange de français-anglais. This Girl, donc cette fille. On continue avec les bons plans culture et on commence avec la traditionnelle fête foraine de Molsheim dans le Bas-Rhin qui fait son grand retour ce printemps depuis vendredi, hein, jusqu'au 8 mai 2026. La place du marché s'animera pour offrir des moments de joie et d'adrénaline aux petits comme aux grands. Tu pourras y découvrir ou redécouvrir, pourquoi pas, tous les manèges de cet événement incontournable qui ravira toute la famille. La fête foraine de Molsheim propose un large éventail d'attractions adaptées à tous les publics. Les plus téméraires se précipiteront vers les manèges à sensations qui promettent montée d'adrénaline et cris garantis. Et pour les familles avec enfants, les options ne manquent pas non plus, hein. Bulles flottantes, trampolines, petits trains et carrousels enchanteront les plus jeunes visiteurs, hein, sans oublier l'incontournable pêche au canard qui continue de séduire les enfants génération après génération. Hein. C'est vrai que la pêche au canard, ça, c'est une activité qui a des décennies et des décennies. Et évidemment, tu pourras également y retrouver les stands, on va dire plaisir sucré avec les barbes à papa, les pommes d'amour, les churros et bien plus encore. Je t'invite à regarder les horaires d'ouverture si tu souhaites t'y rendre avec ta petite famille ou si tu souhaites simplement y aller seul pour te retrouver avec toi-même. Voilà, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas à te rendre sur internet pour regarder tout ça. Et on reste pour le deuxième plan culture. On reste dans ce même délire avec la fête attractive de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Cette fois-ci, la célèbre foire attractive de Nancy est encore bien installée. Et ça jusqu'au 3 mai prochain, apportant avec elle son lot de sensations fortes, de douceur sucrée et d'attractions pour tous les âges. Prépare-toi à vivre un moment inoubliable dans l'une des plus grandes et des plus anciennes fêtes foraines de France. Là aussi, les fameux stands seront présents et là aussi, je t'invite à consulter les horaires d'ouverture sur ton moteur de recherche favori. Et on repart sur quelque chose de plus brut et de plus direct. Shut up and let me go. En gros, tais-toi et laisse-moi partir de The Ting Tings. C'est tout de suite sur Bisoy. Minimaliste, nerveux, efficace, ce genre de morceau te rappelle qu'on n'a pas toujours besoin d'en faire beaucoup pour marquer les esprits. Et c'est la vérité, tu l'as bien compris avec ce morceau Shut Up and Let Me Go de The Ting Tings. Et là, oui, donc comme je t'ai traduit, hein, shut up and let me go, tais-toi et laisse-moi partir, même si shut up c'est plutôt utilisé en anglais pour dire tais-toi, mais de façon un peu plus vulgaire, je suis à peu près sûr que tu sais quelle expression, quel mot je veux parler. De quel mot je veux parler, c'est mieux si je parle français aussi. Allez, on termine ce morning avec l'horoscope Bisoy. Et on commence par les béliers comme tous les jours. Tu avances vite, mais pense à garder le cap. Taureau, stabilité et patience vont payer aujourd'hui. Gémeaux, ton aisance relationnelle fait toute la différence. Cancer, écoute ton ressenti avant de décider. Lion, belle énergie, mais canalise-la. Vierge, organisation égale sérénité. Balance, une belle harmonie revient. Scorpion, ton instinct est très juste aujourd'hui, écoute-le. Sagittaire, tu as envie d'air, tu as envie de mouvement, suis cette envie. Capricorne, tu construis quelque chose de solide. Verseau, une idée peut tout changer en ce mercredi. Et enfin Poisson, laisse-toi porter par le vent, ça fonctionne. Et voilà pour ce mercredi matin pour ton morning Bisoy. Et si tu devais retenir une chose aujourd'hui, tu es au milieu de ta semaine, hein, donc jusque là nous sommes d'accord, et tu as encore largement le pouvoir d'en faire quelque chose de vraiment bien. En effet, si la première partie de la semaine s'est mal passée, tu peux très bien faire en sorte pour que la deuxième partie se passe beaucoup mieux. Prends soin de ton énergie, avance à ton rythme, et surtout n'oublie pas, même les petites avancées comptent. On se retrouve dès demain, même heure, ici même, et en attendant, n'oublie pas, sois, sens, vibre, be, feel, vibrate, car Bisoy, hein, c'est encore et toujours le son qui bouscule les codes, et tu pourras retrouver toutes les musiques de Bisoy, ainsi que la chronique sur le rétro gaming, tout à l'heure, à 8h et 13h30, reste branché. Allez, bonne journée à toi, et à demain. Ciao !